Pourquoi m'as-tu coupé ? A demandé l'arbre à l'homme. Pourquoi m'as-tu coupé ? A demandé l'arbre à l'homme. Moi j'ai vaincu les cyclones, j'ai survécu aux flammes, j'ai vu passer tant d'automne avant que tu ne me condamnes. Pourquoi m'as-tu coupé ? A demandé l'arbre à l'homme. Pourquoi m'as-tu coupé ? A demandé l'arbre à l'homme. Pourquoi m'as-tu coupé ? A demandé l'arbre à l'homme. M'as-tu coupé, a demandé l'arbre à l'homme. Si je t'ai coupé, dit l'homme, faut pas que ça t'étonne. Nous prenons sans état d'âme tout ce que la terre nous donne. Sacha, pourquoi m'as-tu coupé ? A demandé l'arbre à l'homme. Pourquoi m'as-tu coupé ? A demandé l'arbre à l'homme. Pourquoi m'as-tu coupé ? A demandé l'arbre à l'homme. Pourquoi m'as-tu coupé ? A demandé l'arbre à l'homme. Si je t'ai coupé, dit l'homme, je n'ai pas de dilemme. Tant que le business fonctionne, on continue quoi qu'il advienne. Respecte l'écosystème.